بس كان معايا بزيد بلاش خالتي معايا قد يشنو ترى معايا بطلت معايا شغندر ليني نائموية خلاص شانتي بابا مكوية يا ديبي اوغ سو باركور يا تي با كوني تي مون باركور demande au H les plus gros d'artiles il y a des 2000 je fais des pâtes à Capri dès qu'une phase d'aise tu cèdes à tous ces caprices pendant que t'es pas là je lui tape le dos comme Caprice la conseillère m'a dit pendant que t'es cariste on se bat tous les coups je vais devenir dans tous les cas riche toi tu prends aucun riche t'as plus raison dans la maison neige ça fait 800 plus très saine quand tu j'ai pas besoin de plus, je regoute encore aux fruits défendus. Je sais déjà qui veut faire un feed. Maintenant j'ai frise sur mon pouce, je vais faire un tour. C'est détruit nos poumons, je suis rien à foutre. On est tous en deuil, le rap c'est mort. T'as la nuit sans fleurs et moi j'en voudrais pas de ses bords. Dis-moi comment t'es et dans ses affaires. Juste la musique qu'on va me présenter. Tous les lions sont dans un magazine. Pour mes biberons, nouveau packaging. Car ma film est ici, c'est tard. On veut pas qu'une part, on est trop. D'une part, prends une taf. Si tu parles, prends une baffe. Y'en a qui partent à la dérive. On laisse couler ça dans la rivière. On fait partie de ceux qui ont encore des rêves. On se soucie jamais des rivers. Hein. Des fois par ici c'est terrifiant, y'a de la vente de lignes et de stupéfiants. Je regarde la rue et c'est quasi chien, ça a porté de nos mains, c'est quasiment. Pas sur la top, garde sur son croc-top. Elle fait le job, elle ne fait que son job. Et je pense en métal dur comme Snake. Tous les jours on encaisse dur comme Snake. Je me sens drip, drip, drip, drip. Dans la surface les drip, drip, drip, drip.